Mais à 99%, on savait qu'on allait y aller et on avait l'appréhension depuis un an avant l'Algérie, avant l'armée, quoi. Hein. Avant de rentrer à la caserne, on n'en menait pas large. Bon, pourquoi on n'en menait pas large? Parce que, par exemple, moi, étant à l'école, je savais que j'allais finir au mois de juillet et que dans les 6 mois, j'allais partir, quoi. À cette époque-là, bon, ben, dans la vie, j'avais des copains qui étaient déjà partis, et puis de bons copains qui jouaient au foot avec moi, qui avaient été à l'école avec moi, et on a appris qu'ils étaient morts, quoi, qu'ils étaient morts soi-disant par accident, soi-disant c'était que ça avait été c'était pas au cours d'actions de guerre, mais enfin c'était toujours des attentats, on n'était pas sûr de ne pas de revenir vivant, quoi. Alors c'est pour ça que quand on a été incorporé, on n'en menait pas large quand même.